juste quelqu'un de mieux. Car je suis pas sûr d'être un jour quelqu'un de vieux. Et même si le soir je m'esquinte un peu, la vie n'est qu'une partition sans quinte. La vie est une quête, mais la vie n'est qu'un jeu. Tu te souviens quand on se faisait des blagues à l'autre, quand on portait des sacs à dos, qu'on rêvait de vivre dans des bungalows. Tout ça c'est loin, aujourd'hui je suis plus le même. J'ai découvert l'argent, le vice, la haine. Un homme m'a dit que dans le ventre de chaque future maman, y'a un ange, l'auréole tient bon. De 0 à 1 an, elle disparaît une fois que le môme sait dire papa, maman. Les cornes poussent dès qu'il sait compter de 0 à 100. Aujourd'hui je compte jusqu'à l'infini. Et j'agis comme si mes péchés resteront impunis. J'ai pas envie de pleurer, hier dans ma ville pleuvait. J'ai peur du vide à même le sol. Je me sens comme un arachnophobe dans un vide grenier. Des tirs un peu partout, mais aucune balle de foot. La route tourne dans le sens des aiguilles d'une salle de shoot. Alors j'aimerais m'endormir près d'une berge. Et au réveil je serais celui que j'aurais dû être. Ouvre les guillemets. Quelqu'un de mieux, juste quelqu'un de mieux. Car je suis pas sûr d'être un jour quelqu'un de vieux. Aide-moi à devenir quelqu'un de mieux, juste quelqu'un de mieux. Car je suis pas sûr d'être un jour quelqu'un de vieux. On critique les étrangers font pareil. Beaucoup disent qu'ils veulent changer, mais peu sont vraiment prêts. Aïe, je crois au proverbe qui dit de pas croire au proverbe. Car quand le frigo est vide, on ne vit que d'amour et de problèmes. Si t'aimes pas le charivari, on est deux. J'arrive à rien, mais seul Dieu peut me juger. J'ai mis la charia avant les bœufs, je suis devenu celui que je devais pas être. Ma morale est partie aussi vite que mon premier salaire. Rien à perdre, des gouttes de pluie sur l'impair. J'aimerais vous faire bonne impression, mais je suis pas Gutenberg, putain de merde. Parfois la vie me torture, alors la nuit je dors plus. L'amour existe encore, mais l'amour est distordu. Le vrai problème, c'est qu'on préfère faire la guerre. Comme si nos horloges biologiques étaient sur d'autres fuseaux horaires. C'est quoi le plus lourd entre un kilo de péché et un kilo de bonnes actions? En vérité, c'est ce que je me pose tous les jours comme question. Cette nuit je fais un vœu, j'éteins le feu. Je voulais être quelqu'un de bien, mais j'ai échoué. Alors j'essaie d'être quelqu'un de mieux. Quelqu'un de mieux, juste quelqu'un de mieux. Car je suis pas sûr d'être un jour quelqu'un de vieux. Aide-moi à devenir quelqu'un de mieux, juste quelqu'un de mieux. Car je suis pas sûr d'être un jour quelqu'un de vieux. On critique les étrangers font pareil. Beaucoup disent qu'ils veulent changer, mais peu sont vraiment prêts. Quelqu'un de mieux, juste quelqu'un de mieux. Car je suis pas sûr d'être un jour quelqu'un de vieux. Aide-moi à devenir quelqu'un de mieux, juste quelqu'un de mieux. Car je suis pas sûr d'être un jour quelqu'un de vieux. On critique les étrangers font pareil. Beaucoup disent qu'ils veulent changer, mais peu sont vraiment prêts. Aide-moi à changer pendant qu'il fait encore beau. Ma morale s'est perché sur un arbre comme être corbeau. T'en fais pas pour moi, j'ai retenu la leçon. Hier je les critiquais, aujourd'hui je les ressemble. Aide-moi à changer pendant qu'il fait encore beau. Ma morale s'est perché sur un arbre comme être corbeau. T'en fais pas pour moi, j'ai retenu la leçon. Hier je les critiquais, aujourd'hui je les ressemble.